l'âge d'or des années 60-70 avec Star Trek bien sûr, mais aussi Cosmos 1999, Perdu dans l'espace, le Docteur Who, et puis le revival des années 80-90 avec le retour de Star Trek, Stargate, Babylon 5, et excepté l'exceptionnel Battlestar Galactica depuis les années 2000, les séries de science-fiction ont eu du mal à se renouveler, à retrouver un public, à durer plus d'une ou deux saisons. Et d'un coup, en quelques mois, voici que sortent pas moins de 5 nouvelles séries de SF, Star Trek encore, The Expanse, Altered Carbon, Perdu dans l'espace et d'autres arrivent. Est-ce le signe du grand retour de la science-fiction en série ? Science-fiction, les séries contre-attaque, c'est l'épineux problème que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour trancher cette épineuse question, donc pas moins de 3 avis éclairés et passionnés seront nécessaires. Celui d'Annelijon, bonjour. Annelijon. Edigon, pardon, bonjour. Excusez-moi, oui, je ne sais pas, ça commence mal. Annelijon, pardon, critique série aux fiches du cinéma et secrétaire de l'Association française de critiques de séries. Celui d'Alain Carazé, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien des séries, auteur avec Romain Nigita de Séries Académie, c'est aux éditions Fantasque, sans oublier l'avis de Mehdi Achouche, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à Lyon 3 en civilisation américaine et études culturelles. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter, hâte la méthode FC, mais avant de plonger dans l'espace profond, elle ne s'est jamais démodée depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Elle a su captiver son public et toujours rester d'actualité. C'est Zoé Sfès pour le Journal des Sciences. Bonjour Zoé. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et pour commencer le premier sujet de cette semaine, eh bien on n'est pas loin de la science-fiction puisqu'il y a bien des jets de vapeur sur Europe, l'une des lunes de Jupiter, l'un des lieux les plus prometteurs du système solaire pour chercher de la vie extraterrestre. La NASA l'a annoncé formellement durant une conférence de presse ce lundi. Il y a bien des geysers, dit aussi scientifiquement des panaches sur Europe, l'une des lunes glacées de Jupiter. Alors cette publication dans le magazine Nature Astronomy confirme l'existence de ces puissants jets de vapeur jusqu'à présent observés à la limite de détection de différents télescopes, on va revenir, dont Hubble. Et ce qui est très passionnant dans cette affaire, c'est que cette confirmation, eh bien, elle provient de données collectées il y a plus de 21 ans par le magnétomètre et le spectromètre de la sonde Galileo, qui a survolé Europe, rappelez-vous, de 1995 à 2003. Et lors de l'un de ses survols à 200 km d'altitude au-dessus de la surface d'Europe, en décembre 1997, eh bien, il y avait des signaux qui étaient déjà bien là, mais les scientifiques manquaient non seulement d'informations, mais aussi de modèles sophistiqués pour leur donner du sens. C'est cette histoire très scientifique que m'a racontée Margaret Kivelson qui co-signe cet article. C'est elle qui, en 97, était chargée de travailler sur l'étude des relevés sur le champ magnétique d'Europe à partir des données fournies par Galileo, avec succès puisque c'est elle et son équipe qui, les premiers, ont proposé qu'il existait un océan subglaciaire sur Europe. Aujourd'hui, on sait qu'il est là. Alors, comment expliquer qu'elle n'ait pas vu l'existence de ces geysers ? Réponse. L'idée qu'il existe un océan sous la surface glacée d'Europe expliquait une grande partie des changements que nous avions observés dans le champ magnétique. Mais il restait une inconnue sur un relevé précis de décembre 1997. C'était une variation très importante de fréquence, mais aussi d'orientation. Nous avons souvent réexaminé ces données au cours des années suivantes, mais nous n'avions aucune piste concrète pour tenter de l'expliquer. Mais au cours des années suivantes, la donne a changé. Il y a d'abord eu ces mesures faites par la sonde Cassini sur la lune de Saturne, Encelade, qui ont mis en évidence l'existence de jets de vapeur. Ça, c'était très important. Car même s'il s'agissait d'immenses jets, l'idée même qu'une lune glacée pouvait connaître ce type d'événement a été déterminante. Et puis, en 2015, il y a eu ces images prises par le télescope Hubble de la Lune Europe. Et sur certains de ces relevés, juste à la marge de la détection, on pouvait voir quelque chose qui ressemblait à un jet de vapeur, très localisé, qui nous a mis en alerte, et qui ressemblait un peu à un geyser. Et c'est finalement lors d'une réunion consacrée à la sonde Clipper, à son lancement en 2022, qui doit survoler elle aussi à cette sonde, la Lune Europe, et bien que l'idée de revenir sur ces données a ressurgi. Oui, parce que là on avait donc cette anomalie magnétique mentionnée lors de cette réunion par Margaret Kivelson. Et puis il y a une autre scientifique, Melissa McGrath du SETI Institute, qui à ce moment-là se rappelle que sur certains clichés pris par Galiléo il y a plus de 20 ans, eh bien ça pouvait correspondre à un jet de vapeur. Les scientifiques ont alors l'idée d'aller voir les données de la sonde plasmique de Galiléo au même moment. Et bien là, elle montre une anomalie que personne, pour le coup, en 20 ans n'avait repérée. Les éléments convergent et donc le physicien Xiang Jiujia, spécialiste des simulations et auteur principal de cet article, entre en scène. On a affaire à une situation très complexe. L'atmosphère est très fragile et instable et ne cesse d'interagir avec l'environnement jovien. Toutes ces données devaient être quantifiées, caractérisées numériquement pour que nous puissions faire des simulations précises. Mon équipe, dans le Michigan, développe depuis plusieurs années un modèle d'interaction du plasma dans l'environnement d'Europe. On avait déjà ce modèle. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle possible pour ces jets de vapeur en se basant sur les informations assez sommaires que l'on avait grâce aux images du télescope Hubble. On a intégré ce modèle de jet de vapeur à notre modèle global de l'environnement d'Europe et on a regardé si l'existence d'un tel jet de vapeur pouvait fournir une explication cohérente avec ces anomalies qui apparaissaient dans les données relevées par Galiléo. Et les résultats nous ont apparu tout à fait cohérents. Ces trois signaux différents perçus par Galiléo en 1997 proviennent très probablement d'un jet de vapeur localisé sur Europe. C'est évidemment une information cruciale, surtout avec les prochaines missions prévues sur Europe, Clipper et JUICE. Ces deux missions vont venir très près de la surface de la Lune, avec des survols à moins de 50 km d'altitude. C'est une situation idéale pour analyser ces jets de vapeur, mesurer leur composition. Et c'est une opportunité importante pour en savoir plus sur la nature de l'océan intérieur d'Europe. Peut-être même qu'avec la mission de JUICE, nous serons en mesure de répondre à cette question cruciale : est-ce que l'environnement d'Europe est propice à la vie ? En bref, la Maison-Blanche a supprimé un programme de la NASA qui consiste à surveiller les gaz à effet de serre. L'administration du président Trump a discrètement tué le Carbon Monitoring System, a déclaré dans la revue Science un porte-parole de la NASA, qu'il qualifie d'attaque d'envergure contre la science climatique, et ce, sans fournir d'autres raisons que des contraintes budgétaires et des priorités plus pressantes. Je rappelle que ce programme CMS, d'un montant de 10 millions de dollars par an, cherche les sources d'émissions et les puits de dioxyde de carbone, et crée des modélisations en haute résolution des flux de ce gaz à effet de serre sur la Terre. Et je rappelle que c'est également le thème des idées claires de cette semaine. Les idées claires, un podcast et une vidéo toutes les semaines produit par Mes Soins pour France Culture et pour France Info autour donc cette semaine du réchauffement climatique. Est-il d'origine anthropique ? On vous met le lien tout de suite sur le fil Twitter de l'émission. En bref également, le français Jean-Loup Puget a décroché lundi le prix Chaud d'astronomie, prix qui est surnommé le prix Nobel asiatique, qui est doté $1 million. La semaine dernière déjà, l'astrophysicien français qui est directeur de recherche émérite à l'Institut d'astrophysique spatiale et au département de physique de l'ENS avait déjà obtenu le prix Gruber de cosmologie qu'il partageait avec Nazareno Mondolesi pour leur travail sur la mission spatiale Planck, qui a étudié avec précision le fond diffus cosmologique. Le prix Chaud le distingue cette fois à titre personnel pour ce travail donc sur la mission Planck, mais aussi sur la proposition de la présence massive de grosses molécules d'hydrocarbures aromatiques dans le milieu interstellaire pour expliquer certaines raies d'absorption dans l'infrarouge, et puis aussi pour la mise en évidence d'un fond diffus infrarouge dans les données de la mission spatiale COBE. Et enfin, selon plusieurs sources qui sont citées par le Canard enchaîné de cette semaine, la ministre de la Santé Agnès Buzyn exercerait des pressions pour que son mari Yves Lévy soit renouvelé à la tête de l'INSERM. La ministre de la Santé, nommée en mai dernier, est l'épouse de l'actuel directeur de l'INSERM et pour éviter tout conflit d'intérêts, elle a laissé par décret la gestion de l'INSERM à Matignon. L'année dernière, 8 mai, l'hebdomadaire satirique citant un proche de l'Élysée indique cette semaine qu'Agnès Buzyn mènerait déjà une intense campagne pour assurer la réélection de son mari à la direction de l'établissement public de recherche. Son mandat court jusqu'au 12 juin prochain. Un chercheur cité anonymement indique dans le Canard enchaîné qu'il y a, je cite, 90% de chance pour qu'Yves Lévy soit renouvelé de manière automatique, car Agnès Buzyn fait un chantage à la démission et il indique que le cas échéant, eh bien, il saisirait le Conseil d'État. Et deuxième sujet cette semaine, des chercheurs américains sont parvenus à transférer la mémoire d'un apprentissage d'un escargot à un autre par le biais de l'ARN. Une réussite qui invite à repenser ce que l'on sait précisément de la mémoire et qui ouvre des perspectives assez sidérantes. C'est fascinant. Il y a plus de 50 ans déjà, une première expérience de transfert de mémoire par le biais d'acide ribonucléique, donc ce qu'on appelle l'ARN, était déjà dévoilée, mais elle avait été discréditée aussitôt parce qu'elle présentait plusieurs biais méthodologiques. L'ARN est réputée pour intervenir dans la synthèse des protéines par les organismes vivants à partir des informations dispensées par l'ADN. Mais on sait qu'il remplit aussi d'autres fonctions très importantes. Il intervient dans la régulation de nombreux processus cellulaires impliqués dans le développement et dans la maladie, par exemple. Et David Glanzman, chercheur à UCLA, qui publie ses résultats très importants dans la revue Yinuro, voulait prouver qu'il joue un rôle déterminant dans la mémoire, ce qui pourrait expliquer notamment la conservation de certains apprentissages en dépit d'un système neuronal endommagé. Alors il a pour cela effectué une expérience en entraînant des escargots de mer, qui ont tous des systèmes nerveux assez sommaires et tout à fait semblables d'un animal à l'autre, à provoquer un réflexe défensif, la contraction de la queue, et voir si cette mémoire d'apprentissage pouvait se transférer par le simple biais de l'ARN, comme l'explique Alexis Bédécara. Il est post-doctorant dans ce laboratoire à UCLA et c'est l'un des co-auteurs de cet article. On a stimulé la queue de ces animaux 2 jours d'affilée. On a ensuite testé, suite à ce protocole d'apprentissage, les réponses que l'on pouvait avoir. Et on a vu, de façon attendue, que le groupe qui avait été stimulé avait un réflexe de retrait qui était beaucoup plus important. On a ensuite extrait les ARN, donc ces molécules qui sont générées suite à un apprentissage. On a injecté l'ARN issu d'animaux entraînés chez des animaux naïfs. Et on a observé un jour plus tard que le réflexe était augmenté chez ces animaux de la même façon que dans le groupe entraîné. Donc, dans les ARN issus d'animaux qui ont subi un apprentissage, il semble y avoir quelque chose qui permet d'induire chez des animaux naïfs l'état comparable à celui d'un animal qui vient d'apprendre. En fait, ces phénomènes d'épigénèse, l'expression d'ARN important pour l'apprentissage était connue, mais c'était quelque chose qui était mis complètement au second plan de l'inscription de l'apprentissage dans le système nerveux à travers une augmentation de la connexion entre les neurones. Donc on pensait que c'était quelque chose qui se faisait de façon parallèle à l'apprentissage, qui était associé à l'apprentissage sans en être réellement la cause. Ce qui se passe maintenant, c'est que plusieurs données montrent que non seulement ces modifications épigénétiques sont nécessaires à l'apprentissage, mais comme on vient de le montrer dans notre travail, elles sont suffisantes pour produire des modifications aussi puissantes que celles que peut induire un apprentissage. Et ça change complètement donc la place que ces modifications épigénétiques peuvent avoir dans notre compréhension de la mémoire et de l'apprentissage. Ces modifications basées sur les molécules d'ADN et non sur les contacts entre les neurones peuvent maintenir la mémoire de façon plus résistante encore que le renforcement des connexions qui, lui, peut être temporaire. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique Science Improbable, aujourd'hui bidet musique, puisque des chercheurs affirment avoir compris scientifiquement ce qui fait la différence entre un tube et un bide en musique. Oui, alors voilà, on peut analyser une chanson et savoir si oui ou non elle entrera au hit parade, et même presque à quelle place elle est censée y entrer. C'est possible, en tout cas en partie, c'est ce qu'affirment des chercheurs de l'Université de Californie, qui publient cette semaine une étude dans la Royal Society Open Science, un article dans lequel ils expliquent qu'ils ont décortiqué plus de 500 000 chansons qui étaient au hit parade ou pas entre 85 et 2015 au Royaume-Uni, dans tous les genres de musique, la techno, le jazz, etc. Et ils les classent avec des tendances dominantes, tristes ou joyeuses, dansantes ou pas. Et ils expliquent qu'ils sont capables d'identifier les chansons qui vont le plus marcher. La chanson standard qui marche le mieux, elle est plutôt joyeuse, plutôt dansante. Et elle sera chantée par une femme, pour une fois que c'est sexiste dans ce sens-là. Ils ont en tout cas conçu un algorithme qui prévoit à 85% le succès d'une chanson. Bah, reste maintenant à la mettre en ligne, puisque pour que vous et moi, Nicolas, nous puissions conquérir le top 50 s'il existe encore. Si ça peut, vous pouvez vous permettre d'arrêter d'écouter cette chanson de Sandra que vous nous avez infligée toute la semaine dans le bureau, ce vous serait déjà terrible, une bonne si raison. Vous saviez, un jour, on produira des enregistrements sur Internet de vous quand vous travaillez, Nicolas Martin. Merci beaucoup, Zoé Espèce. À la semaine prochaine. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Ce thème de Star Trek, ça n'est pas un bide, c'est plutôt au contraire un tube depuis plus de 50 ans qu'il résonne, remis au goût du jour. Et bien pour la cinquième fois dans une nouvelle série, Star Trek Discovery, pilotée par le producteur J.J. Abrams, c'est quand Star Trek revient, et bien c'est qu'il se passe quelque chose du côté des séries de science-fiction. C'était déjà le cas avec Next Generation à la fin des années 80. Aujourd'hui, c'est toute une moisson de nouvelles séries qui arrivent sur nos écrans avec des succès variables, on va en parler. Après une période de vache maigre, est-ce que on assiste au retour d'un nouvel âge d'or de la SF sur le petit écran? Pour en parler, Anne Ligon, critique série aux fiches du cinéma, Alain Carazé, historien des séries, et Mehdi Achouche, maître de conférence à Lyon 3 en civilisation américaine et études culturelles. Un extrait de ce nouveau Star Trek. Journal de bord de l'officier en second. Date stellaire 1207.3. Sur Terre, nous sommes le dimanche 11 mai 2256. L'équipage de l'USS Shenzhou a été appelé à se rendre en bordure de l'espace de la Fédération pour enquêter sur les dommages infligés à l'un de nos relais interstellaires. Les traces d'explosion sur la coque ne sont pas concluantes. Sont-elles dues à un astéroïde ou le relais a-t-il été délibérément détruit pour limiter les communications de Starfleet? Et si c'est le cas, par qui? Malgré les risques de notre mission, je reste optimiste. Il est difficile de ne pas l'être lorsqu'on est en face d'un spectacle d'une telle beauté. Dans le cas présent, un système stellaire binaire. Autour de ces deux soleils, de la glace, de la poussière et des gaz entrent en collision pour former les planètes que les générations futures prendront comme foyer. Un humble rappel que toute vie naît du chaos et de la destruction. Voilà, on retrouve les impondérables de Star Trek, le journal, le log du journal de bord du commandant au début avec cette voix off pour commenter le début de l'épisode. C'est ici que le commandant, vous l'avez entendu, est une femme. C'est pas la première fois. Dans Voyager, c'était déjà une femme. Exactement. Alain Carazé, je parle sous votre contrôle, grand spécialiste de Star Trek, dont vous étiez venu d'ailleurs parler à ce micro. Peut-être un mot sur ce retour de Star Trek. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de dire que c'est à chaque nouvelle génération de séries Star Trek qu'on retrouve un florissement, un nouveau printemps temps pour les séries de science-fiction? Star Trek, c'est un peu le pinacle des séries de space opéra. Ce qui est intéressant avec Star Trek, c'est qu'à chaque fois, profitant du fait que c'est une franchise, profitant du fait que, on va pas être méchant, mais que les fans de Star Trek, à la limite, n'importe quoi titré Star Trek, ils fonceront directement dessus, même si c'est Star Trek chez les Schtroumpfs, enfin je veux dire quelque part, voilà. Ils en profitent à chaque fois pour rehausser le niveau, pour faire des choses un peu différentes. Deep Space Nine, c'était déjà dans les années 2000, pardon, c'était déjà une série à suivre, très sombre, pas de vaisseaux spatiaux, mais des conflits intergalactiques dans un lieu isolé, et ainsi de suite. Comme vous l'avez très bien dit, Voyager, c'était une femme aux commandes d'un vaisseau spatial perdu au fin fond de l'espace. Donc à chaque fois, il repousse un peu limite. Là, c'est on fait revenir Star Trek, mais c'est pas simplement pour refaire des voyages vers d'autres planètes comme c'était le cas dans la série de 66. C'est pour une histoire plus complexe à suivre avec des personnages plus ambigus, des situations différentes, même si ça se passe avant la première série, etc., etc. Enfin bref, moi ce que j'apprécie, c'est le fait qu'à chaque fois que cette série revient, ce n'est pas pour la refaire, c'est pas pour être un reboot, mais c'est carrément pour, on va dire, repousser encore un peu les limites. Donc, repousser les limites de l'inconnu, c'est consubstantiel à Star Trek. Et à mon avis, c'est un peu substantiel et systématique un peu des séries de SF, c'est que avec chaque nouvelle arrivée d'une nouvelle grande série de SF, comme Star Trek par exemple, avec une nouvelle série, c'est qu'on repousse un peu les limites de ce qui est fait avant. On n'a plus besoin de ce qui se faisait dans les années 80, on n'a plus besoin de ce qui se faisait dans les années 60. En clair, on n'a plus besoin des petites loupiottes multicolores et des personnes qui sont ballottées de droite et de gauche dès que l'Enterprise traverse un mur d'astéroïdes. On n'a plus besoin de ça. Pour apprécier une série de SF, on a besoin d'histoires un peu plus sophistiquées, de personnages un peu plus sophistiqués. Bref, c'est vraiment symptomatique du fait que la série de SF a évolué avec le temps. Qu'en pensez-vous, Anne Ligon, SF, Star Trek comme mère matricielle de toutes les séries SF qui montrent l'évolution du traitement de la science-fiction sur le petit écran? Oui, mère matricielle incontestablement. Alors, ça fait un moment qu'on attend ça. Moi, depuis Deep Space Nine, il n'y a pas beaucoup de franchises de Star Trek qui m'ont plu. Je suis très partagée. Alors, à la fois, ce qui est un peu culotté, c'est d'avoir situé ça avant la série originale des années 60. Où bon là les fans et les spécialistes crient un petit peu parce que pour raccrocher, enfin il est même question que Discovery raccroche dans le scénario oui. Les wagons la série, avec voilà avec la série originale. Ils n'ont pas non, vu non. Donc oui, voilà. Absolument. Il en est question. Et partagé parce que on retrouve des choses chères à Star Trek. Alors, c'est aussi abordable pour des gens qui n'ont jamais vu de Star Trek. On nous rappelle dès les premiers épisodes, la directive première, nous venons en paix. Donc, on est encore dans la mission pacifiste, à la rencontre de l'autre, etc. Donc, il y a effectivement des aspects qu'on n'a pas encore vus dans Star Trek. Je veux parler d'un couple homosexuel, de choses comme ça. Donc, il y a des petites évolutions de ce côté-là. Une qui, moi, me paraît un peu glissante, hein, c'est d'avoir choisi les Klingons comme méchants. Ils l'ont toujours été. Ce sont les méchants de Star Trek. Alors, ils le sont plus ou moins aux différentes époques. Bref, ils sont pas. Enfin, J.J. Abrams a déjà fait ce choix-là dans les films, par ailleurs. Oui, hein. Oui. Et là, ils sont quand même effectivement très présents et pas toujours très jolis. Voilà, ça, bon, c'est un détail à la rigueur. Et surtout, la question, bon, qui s'est déjà posée dans Star Trek, mais qui me paraît trouver une réponse un peu rapide, c'est est-ce qu'on doit attaquer avant d'être attaqué? Et là, la réponse semble un peu oui, quand même. Donc, comme on sait que les Klingons, là, clairement, c'est des fanatiques religieux, on voit bien message. Alors, à la carrière, tout à fait d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est plus subtil que ça. Base, en effet, c'est faut-il attaquer avant? Vous avez tout à fait raison. Sauf que, justement, c'est la question base qui va lancer un petit peu les angoisses des différents personnages et leurs regrets et leurs... voilà. Quand je parlais de Mère Matricielle et de réactualisation de la série, vous venez de le dire, les Klingons sont des fanatiques religieux, on a un couple homosexuel, on est passé de ce qu'on appelait les stand-alone, c'est-à-dire des épisodes uniques qu'on pouvait voir tout seul à des arcs narratifs complexes, c'est-à-dire que là, c'est Discovery, si on a raté le premier épisode, ben, il faut le voir, on peut pas voir le troisième ou dans le désordre, alors que c'était encore le cas de New Next Generation, enfin d'un certain nombre, même jusqu'à Voyager, à Deep Space Nine, c'est déjà un peu différent. Mais j'aimerais avoir l'opinion de Mehdi Hachouch justement sur la façon dont Star Trek réussit, de façon effectivement un peu matricielle pour les autres séries, à se réadapter, à réactualiser le space opéra, la science-fiction sur le petit écran à toutes ces époques. Ce qui est vraiment intéressant avec Star Trek, c'est que dès les années 60, ils sont prises avec la société de l'époque. On se rappelle tous le fameux baiser entre Kirk et Uhura, ça c'était quelque chose d'important. Elle-même, l'actrice afro-américaine, a révélé dans son autobiographie que Martin Luther King lui avait dit « c'est important d'être dans cette série parce que vous êtes un modèle, un exemple ». Michelle Nichols. Pour les autres. Voilà, Michelle Nichols. Et donc, à chaque fois... Premier baiser interracial à la télévision américaine. Tout à fait. Absolument. Et pour l'époque, et pas du tout anecdotique. On est en 66. Hein. Ouais. Et donc, à chaque fois, les séries ont essayé d'aller plus loin pour pouvoir parler, finalement, de l'actualité, de la société américaine. Donc, on parle beaucoup de multiculturalisme dans Star Trek La Nouvelle Génération. On parle beaucoup, alors on a le capitaine afro-américain, on l'a dit, dans Deep Space Nine. On parle beaucoup de guerre, on parle beaucoup de résistance, on parle beaucoup d'éthique de la résistance dans Deep Space Nine. Il y a Voyager également avec le capitaine qui est une femme, etc. Bon. Enterprise, n'en parlons pas, c'est une parenthèse, un accident de parcours. Il n'y a pas grand-chose, à mon avis, de ce côté-là. Et donc, Nigita n'est pas là, donc on va dire oui. Je suis tout à fait de votre avis. Il ne partage pas mon opinion. Romain Nigita est très fan, il l'avait dit ici. Il arrive à sauver, disons, Enterprise, qui est un semi-échec des années 2000. Oui, avec Scott Bakula en capitaine. Ça a commencé en 2001, donc forcément, ils ont été beaucoup impactés par le 11 septembre. Ouais. Et donc, ça les a emmenés vers un territoire un peu plus compliqué, on va dire, un peu différent. Et donc, forcément, avec Discovery, ils ont senti le besoin d'aller encore plus loin. Star Trek a été très critiqué pendant très longtemps parce que, notamment, les femmes, c'était pas encore tout à fait ça. Il n'y avait pas d'homosexuels non plus. Et on se disait, mais c'est censé être une société progressiste, libérée, utopique. Donc, où sont les homosexuels? Donc, le co-créateur de la série étant, en plus, ça aide homosexuel lui-même, Brian Fuller, il a mis en place cet élément-là qui est important dans la série. Mais en dehors des évolutions sociétales et de l'adaptation de la science-fiction à l'évolution de la société occidentale, est-ce que la science-fiction ou la bonne science-fiction a toujours été le reflet aussi des inquiétudes de l'époque? Est-ce que Star Trek... Voilà, est-ce que vous avez le sentiment que Star Trek tire un peu cette nouvelle génération de séries, parce qu'on va parler des autres, il n'y a pas que Star Trek dans la vie. Peut-être pour vous, mais il y en a quelques autres, vous allez voir. Dans une forme de quoi parle en fait cette science-fiction nouvelle qui arrive sur nos écrans en ce moment à travers Star Trek, mais aussi on va en parler d'Alter Carbon, The Expanse. Quel est le point d'ancrage aujourd'hui de cette nouvelle science-fiction? Il y a deux choses. Alain Carazé. La première chose, à mon avis, c'est que de toute façon, les séries de science-fiction actuelles sont obligées de suivre un petit peu le moule des séries actuelles. À savoir que, comme vous l'avez très bien dit, alors qu'avant on pouvait voir des épisodes complètement séparés avec des histoires à chaque fois séparées, maintenant, depuis on va dire une dizaine d'années, depuis l'avènement de HBO, des Sopranos, de séries comme ça, on peut très bien raconter une longue histoire sur une saison de 10, 12, 15 épisodes, puis avec un autre arc narratif, etc. etc. Avoir des histoires complexes, avoir même des histoires qui se passent à différentes époques dans le temps, bref, une complexité dans la narration. On peut solliciter l'intelligence du spectateur, solliciter le fait qu'il revienne. Et ça, c'est pour toutes les séries, de manière générale. Je veux dire que ça va de Game of Thrones à Homeland. Enfin, je veux dire, c'est pareil, quoi. Et Star Trek en est le reflet, là aussi. C'est-à-dire que Star Trek rehausse le niveau, tout simplement, parce que les autres séries ont rehaussé le niveau aussi, de manière générale. Et elles s'adaptent aussi avec d'autres séries. Et puis, en termes de thématique, que ce soit les années 60, que ce soit les années 80, que ce soit maintenant... Peu ou prou, de toute façon, toutes les séries de science-fiction ont toujours été le reflet des inquiétudes des auteurs, des showrunners qui sont derrière. Quelque part, que ça soit Game of Thrones, que ça soit Star Trek, c'est la même chose. On fait le reflet simplement de ce que l'on voit dans notre société. Alors, quelquefois, c'est plus subtil, quelquefois, c'est enrobé. Mais généralement, on parle de migrants parce que c'est de Star Galactica. On parle de... Enfin, voilà. Tout les sujets contemporains sont évoqués par les types qui sont en train d'écrire ces séries-là, simplement parce qu'ils le vivent au moment où ils les écrivent. Battlestar Galactica, on y reviendra, qui a été écrit après le 11 septembre, qui est très marqué aussi par la façon de filmer la guerre à la télévision. Mehdi Hachouch, sur cette question. Oui, c'est simplement que la science-fiction en général et le space opéra en particulier, quand même, fondamentalement, structurellement, ça a à voir avec le progrès dans l'espace et dans le temps. Et donc forcément, c'est ce dont on parle dans ces séries-là, historiquement. On voit d'autres planètes, d'autres sociétés, on voit le futur et on voit un petit peu ce qui pourrait se passer si on prend telle ou telle décision aujourd'hui. Donc ça, Star Trek, c'est pour ça que c'est un peu le summum, le paradigme de la science-fiction et la télévision, parce que explicitement, on nous parle d'utopie et de contre-exemple d'ailleurs. Chaque épisode, chaque semaine, c'est voilà ce qu'il faut pas être, voilà ce qu'il faut pas faire. On voit des fascistes, on voit des je ne sais quoi, des impérialistes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, y compris dans les séries récentes, qu'on retrouve systématiquement. Anne Ligon. Sur cette question. Oui, c'est vrai que la science-fiction est toujours une sorte de réalité augmentée, de « et si » et toujours en prise, effectivement. Alors, dans les années 60, Star Trek, c'est pendant la guerre froide, la lutte des droits civiques des Noirs. Et aujourd'hui, on est plus sur le terrorisme, les fanatiques religieux, et on a aussi, dans les nouvelles séries que vous avez citées, une préoccupation écologique, hein, où justement la Terre manque de ressources. Alors c'est clairement le The Expanse, hein, où là on a une Terre complètement appauvrie, du coup c'est Mars qui est devenue une planète riche et indépendante, et puis des gens qui sont... Et militaristes, voilà. Au passage. Et une colonie de ceintures d'astéroïdes où là on exploite les gens parce que pour leurs ressources uniquement. Donc, et là où on a un fond aussi social de lutte des classes. Alors on peut dans ce sillage, effectivement, vous venez d'évoquer The Expanse, on peut faire un petit tour de ces nouvelles séries qui ont germé, Altered Carbon, qui est un univers plus proche de Philip K. Dick, The Expanse que vous venez d'évoquer, le retour d'une autre vieillerie, Lost in Space, on pourrait dire dans un autre registre, un mot de Westworld, de Black Mirror, d'Electric Dreams. On attend bientôt une nouvelle série Star Wars, une autre qui devrait être adaptée du cycle Fondation d'Asimov, encore une autre qui devrait venir adaptée cette fois du cycle de la culture d'Ian Banks. Alain Carazé, est-ce qu'on peut considérer que, compte tenu de la production, après un petit passage à blanc à nouveau dans les années 2000, on retrouve une ère de la science-fiction télévisuelle un peu foisonnante? Oui et non. Oui, parce que de toute façon le paysage audiovisuel mondial en ce qui concerne la série est tellement vaste. Rien que pour rappel, il y a 500 nouvelles saisons rien qu'aux États-Unis de séries télé. Donc si on compte aussi les séries britanniques, si on compte aussi les séries françaises, ça veut dire que ça fait quand même un sacré paquet. Pour référence, encore quelques années, il y avait 200. Enfin, c'est pas rien. On va dire. PIC TV. Et exactement, c'est le PIC TV, comme on appelle ça. Et ça se concrétise par le fait qu'on ne vise plus le plus grand nombre, mais on vise un public plus pointu et plus ciblé, plus segmentant, on va dire. Ce qui est quelque part, pour les grandes chaînes, quelque chose d'horrible. Le mot segmentant, ça veut dire qu'on s'adresse à certaines personnes et pas à tout le monde. Mais quelque part, ça veut dire qu'on y fait des projets de séries, comme des séries de science-fiction qui n'auraient jamais pu exister il y a encore 20 ans, il y a encore 30 ans, on va dire, 20 ans, maintenant peuvent exister parce que, certes, elles ne vont pas toucher 25 millions de personnes, mais elles vont toucher 3, 4, 5 par pays, et tout ça additionné quand on est des plateformes ou quand on est des chaînes qui traversent un peu les pays en se vendant à travers le monde, ça peut marcher. Type donc Netflix, ça, HBO, type les HBO, grands etc. câbles. Tout à fait. D'où des succès planétaires pour Game of Thrones, d'où des succès aussi pour Westworld, dont on vient d'évoquer. Et puis, il y a l'autre aspect qui est que quelque part non, parce que la série de science-fiction ne s'est jamais arrêtée. Il y a toujours eu des Babylon 5, il y a toujours eu des Star Trek, il y a toujours eu des choses. Par contre, en France, on ne les a pas vus. Ce qui est tout à fait autre chose. Pas au bon moment, oui. Ce qui est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que quand même, si on se remplace un petit peu dans le contexte, et c'est un peu mon rôle d'historien des séries quelque part, on a été quand même le seul pays en France à ne pas voir Star Trek au moment où c'était diffusé. On a été le seul pays en Europe, voire mieux, peut-être dans le monde, à ne pas voir Star Trek. On a été un des rares pays... On l'a vu, mais plus tard. Ben, oui. Voilà, c'est ça, on l'a pas beaucoup vu, plus tard. Ben, on l'a vu alors qu'il y avait déjà la guerre des étoiles et que quand le dimanche tout après-midi, à la place de Ski Hutch, il y avait ces types en pyjama qui étaient sur TF1, là, les gens se sont dit, c'est quoi ce truc, quoi? C'est, on était déjà avec carrément 15 ans de retard. Donc, on n'a pas été baigné dans la culture Star Trek, on n'a pas été baigné dans la culture Doctor Who, hein. On n'a pas été baigné dans la culture Lost in Space. Lost in Space qui est la première série familiale de science-fiction, familiale, 65, hein, un an avant Star Trek. Infantile, pas bien, etc. Mais quand même, c'était du prime time aux États-Unis, donc ça marquait les Américains, ça marquait une génération, y compris de créateurs américains qui ont voulu faire la même chose et qui se sont dit, j'ai vu ça quand j'étais petit, donc maintenant que je suis en place, je vais pouvoir faire des choses comme ça. Nous, on n'a pas eu ça. Et justement, puisqu'on parle de Lost in Space, c'est une sorte d'étrangeté que de voir ressurgir cette série sur Netflix, puisque Lost in Space, qui est un sorte de Robinson Crusoe moderne, vient d'avoir droit à une deuxième vie. Écoutez. J'ai un peu de mal à comprendre. Quand tu dis perdu, à quel point on est perdu? Genre, on sait plus exactement, on est garé sur le parking? Pour vous donner une idée, si ça c'est la Terre et que ça c'est Alpha du Centaure, alors nous, on est si loin que, si on aime les métaphores, ça nous prendrait 600 ans d'y aller en rover. Enfin, à peu près. Et si on n'aime pas les métaphores, ça donne quoi? Des billions d'années-lumière. Mais si on a pu arriver jusqu'ici, on doit pouvoir repartir. Et on fait comment? Pour être sincère, à moins que leur résolution soit intacte et ne réussisse à nous retrouver, il est possible qu'on soit coincé ici. Voilà l'extrait de cette nouvelle version de Lost in Space, une reprise un peu surprise de cette série perdue dans l'espace. Avec beaucoup de moyens. Non, c'est pas très futé, mais quelque part. Oui, c'est un programme familial. C'est un programme familial de science-fiction, une Robinsonade familiale, voilà, disons c'est en quelques exactement mots. Ça. Néanmoins, un mot à ce propos, Anneli Gomp, pas tant sur Lost in Space, sur le fait que de tout ce que j'ai cité, en l'occurrence Lost in Space, donc c'est une reprise, c'est un reboot comme on dit d'une série existantes. The Expanse, Altered Carbon sont basés, eux, sur des romans. Donc il y a une certaine forme de conservatisme. On n'est plus tellement dans la création d'univers nouveau. Oui, mais enfin ça c'est pas non plus très nouveau et c'est assez classique de la science-fiction, j'ai envie de dire, qui elle-même est une sorte de culture qui est faite de références, qui se répond d'une série à l'autre. Enfin, et c'est aussi une chose qu'on peut aimer dans la science-fiction, c'est le côté référence, soit à la littérature, soit à des séries précédentes, tant qu'il s'agit pas d'en faire une pâle copie ou une parodie ou de la trahir complètement. Moi, c'est quelque chose qui ne me gêne pas. Si c'est fait intelligemment et ça apporte quelque chose... Vous pensez pas, mais Mediachouche, qu'il y a une certaine forme là-dessus de conservatisme, c'est-à-dire de dire très bien, on va refaire de la SF, mais on va la sourcer, on va prendre certains. Bon, Lost in Space, ça a plus de 50 ans. L'adaptation de bon, The Expanse, Altered Carbon, c'est un peu plus récent, mais néanmoins, on n'est pas encore, on prend pas le risque de développer des univers neufs. Bah, c'est surtout un calcul financier. Ces séries coûtent tellement d'argent maintenant que plus on dépense d'argent et moins on prend de risques, quoi. Netflix, ils ont annoncé qu'en 2018, ils voulaient dépenser 8 milliards de dollars en programmes originaux, quand même. Star Trek Discovery, ça coûte entre 8 et 8,5 millions de dollars par épisode. C'est très cher, hein. Donc c'est très cher. Il faut savoir que Game of Thrones, qui est la série la plus chère du monde, on est au-delà de 10 millions de dollars, donc on est très proche de ça. Hein. On est au-delà de 10 millions de dollars par épisode. Pour les tout derniers épisodes. Temps normal, c'est à peu près 10 millions de dollars. Ce qui s'explique par le fait qu'il y a un casting absolument faramineux, que c'est tourné aux quatre coins du monde, parce que pour représenter tous ces pays, il faut aller aux quatre coins du monde. Enfin voilà, c'est évidemment coûte beaucoup moins cher que de tourner une série policière qui se tourne à New York avec des costumes contemporains dans un univers contemporain. Bien sûr. Et ça a été toujours le problème de la SF sur le petit écran. C'est qu'à quelque part, pour représenter un vaisseau spatial ou un univers intergalactique, il y a non seulement les effets spéciaux qui coûtent très cher, moins maintenant, mais qui coûtaient très cher quand même à une époque, mais il y a aussi le fait qu'il faut absolument tout créer. Jerry Anderson, le créateur de Cosmos 1999, se souvient encore, il m'avait raconté de son rendez-vous avec le producteur ITV qui lui a dit, allez, je te donne l'argent, tu fais Cosmos 1999. Et il dit, génial. Et dans l'ascenseur qu'il ramenait du dernier étage en bas, il dit, punaise, j'ai tout à créer. Comment ils s'habillent, où ils sont, quels sont les décors, comment ça marche, quels sont les vaisseaux. Et là, ils disent, oh là, je ne vais pas y arriver. Donc il y a quand même une difficulté financière supplémentaire. Il ne s'agit pas simplement de mettre ses caméras à l'extérieur de New York. Mais oui, sur cette, toujours pour garder justement cette référence à des romans qui n'est d'ailleurs pas forcément un gage de réussite, on en discutera tout à l'heure, mais se sourcer sur un roman existant, ça ne veut pas forcément dire faire une bonne série par ailleurs. Ah non, pas du tout, ça c'est clair. Mmh. Mais c'est vrai que pour minimiser la prise de risque, pour rassurer les investisseurs et pour créer le buzz, bah forcément on va dire ah, Asimov, ah, Fondation, ah, Star Trek, forcément les gens ça les interpelle, alors quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler, mmh, bah ils vont en parler un peu moins sur Internet. Et à Hollywood, les blockbusters c'est la même chose. On aura fort à faire pour trouver un film qui va sortir cet été, qui n'est pas la suite 2, qui n'est pas l'adaptation 2, qui n'est pas le remake 2. L'un des seuls, à ma connaissance, en science-fiction, à prendre le risque d'écrire ses propres scripts et de réaliser ses propres films, c'est James Cameron. Voilà. C'est Avatar, etc. Là, c'était pas adapté de matériaux préexistants. C'est l'exception. Oui, pour Avatar, mais c'est pas vrai pour de tous les films de Cameron. Total Recall, c'est adapté de Kadic. Il y a un peu plusieurs univers qui sont de Last Action Hero, qui est une reprise d'un film français. Bref, Hélène Aligon sur cette question. Oui, non, je voulais juste parler d'une petite exception française. Mm-hmm. Cocorico, allons-y. Sur un scénario original, dont on peut dire qu'il manque peut-être d'originalité, mais ce qui s'appelle Mission. Tout à fait. Produit par la chaîne OCS. Produit par Empreinte Digitale et diffusé par OCS. Et là, alors on parlait d'argent tout à l'heure, là on est sur un budget, alors c'est des épisodes de 26 minutes, hein, et on est sur un budget de 1,5 million par épisode. Donc ça suppose d'être un petit peu ingénieux. Alors ils ont quand même tourné à la fois en studio, où là ils ont reconstitué un vaisseau spatial, là on part sur Mars. Mmh. C'est une histoire, on peut dire en deux mots, hein. Ouais. C'est une série créée par Julien Lacombe, Amy Cohen et Henri Debeum, où c'est une série de colonisation martienne qui se passe pas très bien. Voilà, parce qu'il y a une équipe européenne qui veut débarquer sur Mars et qui sous-croit arriver la première, et en fait il y a déjà une équipe américaine qui est passée par là. Et mission au pluriel, parce que ils vont trouver. Ça commence comme une série de sauvetage de catastrophes, et finalement, c'est une série plutôt un peu avec des tas de questions existentielles et philosophiques. Voilà. Alors, qui n'est pas parfaite, mais c'est français, ça mérite d'exister. Et là aussi, c'est bourré de références, mais les créateurs ne s'en cachent pas. Et justement, on parlait tout à l'heure de on a pas été biberonné forcément à Star Trek, et voilà. Là, il y a quand même des gens, en tout cas, qui ont une inspiration du cinéma. Là, il y a beaucoup de 2001, de Solaris, de choses comme ça. Voilà, il y a des références, et il y a quelque chose qui peut-être ouvre une voie, montre la voie. Il va y avoir une saison 2, alors coproduite maintenant avec une filiale d'AMC, enfin de l'argent américain. Alors, je demande à voir ce que va donner plus de moyens. Est-ce que, voilà. On peut en tout cas saluer effectivement cette série, et puis on sait et à dans quel un point format il curieux. Est compliqué de faire du genre en France, que ce soit de la science-fiction ou n'importe quel autre type de genre. En tout cas, jeter un œil à Mission, effectivement, même si c'est peut-être pas la série parfaite, il y a des choses très intéressantes. J'aimerais peut-être sur ces questions aussi, il y a un de nos auditeurs chéris qui nous dit sur Twitter quelque chose d'assez pertinent sur la réactualisation de la science-fiction aujourd'hui. C'est vrai que les sciences et technologies n'ont jamais été aussi présentes aujourd'hui dans notre quotidien. Il n'y a pas meilleur médium, nous dit Marcus, que la science-fiction Alain Carazé pour interroger ces questions-là et l'emprise de ces technologies-là sur notre quotidien. Ah ben, de toute façon, justement, il est maintenant quasi inimaginable de lancer une série de science-fiction basée sur la technologie et de fasciner le spectateur avec des gadgets, avec des loupiottes multicolores, avec des téléphones portables qui s'ouvrent ou des choses comme ça. Ce que faisait Star Trek, ce que faisait Lost in Space ou des choses comme ça. C'est inimaginable de nos jours, tout simplement parce que cette technologie, on l'a. Parce que, oui, on n'est plus dans le mythe de l'an 2000 et des... Tout à fait. Dark Mirror, d'ailleurs. Black Mirror, pas Dark. Excusez-moi. Je pensais à une autre série qui commence par Dark. Black Mirror, nous le décrypte d'ailleurs dans chaque épisode. Donc voilà, côté fascination, ce côté science-fiction technologique, science-fiction de grosse machinerie telle qu'on pouvait la connaître il y a encore 10-20 ans, c'est un peu terminé, quoi. C'est un peu fini. Il n'y a plus que... il n'y en a plus beaucoup, en fait, qui nous régalent avec des vaisseaux spatiaux et des choses comme ça. Maintenant, c'est quand même des histoires. Donc, c'est ça, on laisse un peu de côté les séries type dystopique. Black Mirror, d'ailleurs, on avait consacré une émission complète à ce sujet. Là, on parle vraiment de la SF intergalactique très futuriste. Et puis un mot pour dire que je me suis pris les pieds dans le tapis tout à l'heure, c'est le Twitter qui me dit Total Recall, c'est pas du tout Cameron, c'est Verhoeven. Bien fait pour ma... Voilà, une petite tape sur le nez, Nicolas, paf. Reparler des adaptations, et je disais tout à l'heure, adapter une série d'un roman, c'est effectivement une marque, c'est un signe rassurant pour les producteurs, pour le public. Ça ne garantit pas toujours une série réussie. Écoutez. Bienvenue à Alcatraz. Vous avez accompli la totalité de votre peine de prison. Vous avez sans doute remarqué que vous n'avez plus le même corps qu'à votre arrivée. Vous avez payé votre dette à la société et nous vous avons réenveloppé en puisant dans notre stock de prisonniers disponibles. Vous allez peut-être vous sentir bizarre ou désorienté. Après tout, vous n'êtes pas censé être là-dedans. Les manifestations de troubles visuels, d'hallucinations auditives et même d'amnésie passagère sont normales. Ne vous inquiétez pas, cette réunion d'information va répondre à toutes vos questions. Ce disque est une pile corticale. Le protectorat en accorde une à chacun de ses citoyens. Elle est implantée en nous à l'âge de 1 an. Nos sentiments, nos pensées, notre personnalité sont codés et bénéficient du THD, transport d'humains digitalisé. Ça signifie que votre conscience peut être transférée sur n'importe quelle pile et dans n'importe quel corps. Vous pouvez même être téléchargé en quelques minutes sur n'importe quelle planète des Nations Unies. Les enveloppes sont remplaçables, mais si votre pile est détruite, au revoir. Il n'y a pas de retour possible de la vraie mort. Voilà, extrait d'une autre série, d'une nouvelle série, Altered Carbon, adapté du roman de Richard Morgan, et pour lequel, pour le coup, l'avis critique, Anne Ligon, est assez partagée. Oui, c'est mitigé. C'est mitigé. Malgré, on peut saluer en tout cas un point positif intéressant de cette série, c'est la réussite visuelle. Oui, c'est la réussite visuelle, mais bon, science-fiction, ça ne suffit pas quand même. On a souvent critiqué, comme le disait Alain Carazé, la science-fiction pour être un peu cheap, c'est-à-dire un peu pauvre, avec des décors un peu en carton-pâte. Là, tout ça est très très photoréaliste en tout cas. Oui, c'est vrai. Mais enfin, le niveau global étant quand même ce qu'il est aujourd'hui, et on était en droit d'attendre autre chose. Là, du propos sur le corps. Alors, il y a une série française, j'espère que je dis pas de bêtises, qui s'appelle Transfert, voilà. Quasiment au même moment, sur Arte, d'ailleurs, une série qui abordait le même thème de comment on peut garder son âme et changer de corps. Alors là, Transfert, c'est pas très bon non plus. Sur Altered Carbon, moi, je trouve qu'elle se contente d'effleurer des sujets qui pourraient être effectivement plus intéressants et qu'elle court sur trop de pistes et on finit par se trouver avec essentiellement une trame d'enquête et bon, qui fait qu'on décroche un peu, quoi. Mais Diachouche, vous n'êtes pas sensible à cet univers plus dickien, parce qu'on est effectivement dans un univers plus proche de Dick que pour le coup de Frank Herbert ou d'Isaac Asimov. Ouais, tout à fait. La prémisse est formidable. Voilà enfin une série qu'on pourrait presque qualifier de transhumaniste. Voilà ce qui se passe quand on peut télécharger la conscience d'un corps à l'autre. Ouais. Ils se permettent des choses comme ça. Il faut suivre, il faut être concentré parce que, à un moment, le protagoniste a un corps, à un moment, il occupe un autre corps. Et puis, on voit quelqu'un qui a une grand-mère qui est transférée dans le corps d'un type tatoué, etc., et qui retrouve sa fille, qui l'embrasse, etc. Donc, c'est bizarre, c'est original. Mais effectivement, je suis d'accord, c'est assez décevant parce que, pour en revenir au cinéma hollywoodien, il me semble quand même qu'aujourd'hui, les séries, elles ont le vent en poupe parce que visuellement, elles peuvent tenir la dragée haute au cinéma, mais qu'elles racontent encore des histoires. Et elles savent encore raconter des histoires. C'est pas uniquement du spectacle, c'est pas uniquement des scènes d'action. Il y a des personnages encore, et elles prennent le temps de raconter ces histoires et d'élaborer ces personnages. Et donc, c'est d'autant plus décevant quand on voit une série comme ça qui, ne le fait pas, en fait. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est vraiment pour se faire l'avocat du diable. Ça vous ressemble pas, là. Non, n'est-ce pas, Je sais, vous me connaissez bien. Je n'ai pas adoré ces deux séries. J'y ai trouvé aussi pas mal de défauts. Cependant, force est de reconnaître que si vous devez garder quand même le spectateur un petit peu éveillé ou en tout cas un petit peu passionné épisode après épisode, vous êtes un peu souvent obligé d'avoir une ligne narrative, certes avec des éléments très complexes, mais au moins qui repose quelquefois sur des schémas un peu plus connus. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que quelque part, s'il n'y avait pas justement cette trame policière, ces enquêtes ou ces choses comme ça, que ça soit dans Transfert, dans lequel ça se passe carrément avec un flic qui est dans la peau d'un autre, donc c'est un peu compliqué, ou que ça soit dans Altered Carbon, s'il n'y avait pas cette enquête, s'il n'y avait pas cette espèce de trame policière, même si elle débouche sur pas grand-chose, même si elle ne sert que d'éléments superficiels, mais elle sert tout de même à accrocher le spectateur, à avoir une espèce d'ossature sur laquelle on peut s'accrocher. Alors que nous, on n'en est pas besoin parce qu'on est habitué, parce qu'on regarde des milliers de séries, c'est une chose. Mais que le spectateur qui va se laisser embarquer, qui va dire « Est-ce que je vais me laisser embarquer pendant 8 heures, 10 heures ou 15 heures sur une série est-ce que je vais continuer? Est-ce que ça m'accroche? Est-ce que j'ai envie de savoir qui a tué? Comment? Pourquoi ?» C'est un stratagème, certes, simpliste, mais quelque part, c'est le stratagème d'énormément de séries qui font que, à partir du moment où c'est super bien enrobé, ça vous montre, comme vous l'avez très bien dit, un petit peu certaines réalités ou certaines visions d'un transhumanisme graphismes et avec des thématiques intéressantes. Donc moi, je rejette pas simplement cet aspect-là. Je dis que oui, c'est simplement une ossature. Je comprends ce que vous dites. Il faut pas que ça soit au centre des choses. Anne Ligon. Je comprends ce que vous dites. Moi, ce qui me gêne, c'est que cette fameuse trame policière, il n'y a pas qu'en science-fiction que justement on cherche à accrocher le spectateur uniquement par là. Et bon, vous avez peut-être raison, ça nécessite peut-être ça, parce que les thématiques sont peut-être un peu hermétiques, et voilà. Mais je regrette quand même qu'on soit obligé de s'accrocher toujours à une trame policière pour parler ou de choses mystère, plus... policière, ben, ou un mystère, ou quelque chose comme ça. On l'a vu avec Monde Ouest, on le voit avec Lost, enfin, il y a plein de séries qui reposent sur un mystère, même si le mystère, en bout du voyage, oui, mais qui n'est pas toujours réellement une enquête raison. Policière, au sens, oui. Il faut trouver le coupable. Hein, donc, et pas forcément du point de vue du policier. Voilà. La question que pose Altered Carbon, puisque Alain Carazé parlait du bel enrobage, on ne parle pas que de la plastique du héros principal qui est largement dévoilé, mais en général d'un certain nombre de créatures artificielles ou pas, où on a effectivement beaucoup de nudité. C'est une série relativement violente aussi. On a tout de même l'impression que Netflix cherche, puisque cette série est une série produite par Netflix, ou diffusée en tout cas, cherche à reproduire la formule gagnante, le bingo, c'est-à-dire ce que Game of Thrones a fait à la fantasy, qui était un, depuis le Seigneur des Anneaux, qui a été remis au jour grâce au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, mais qui était tout de même un genre assez compliqué à adapter, souvent ringard. La science-fiction n'a pas trouvé, Mehdi Hachouche, encore son Game of Thrones, sexe, violence, univers adulte. Pas encore, mais bel enrobage. Ça va venir à mon avis. Bien sûr. Et pas de Star Galactica alors. Attends, non, mais ça c'est le point Godwin de la série de science-fiction. On va y revenir. Voilà. Très bien. Non, alors c'est vrai que la fantasy et la science-fiction, elles sont très proches. Évidemment, historiquement, structurellement, elles reposent sur la création d'autres mondes. On s'intéresse à la carte de ce monde, on s'intéresse aux différents continents, aux différentes planètes, à l'histoire, la géographie, les institutions politiques. On aime découvrir ça au fur et à mesure. Et Game of Thrones a démontré brillamment que ça pouvait fonctionner, évidemment, à la télévision et que ça pouvait plaire à des centaines de millions, on peut le dire, de spectateurs à travers le monde. Et donc, ils cherchent, je crois, effectivement, à faire la même chose avec la science-fiction. Et c'est ça aussi qui explique l'explosion actuelle, parce que le space opéra, c'est ce qui ressemble le plus, finalement, à ce type de fantasy-là, avec toutes les planètes, tous les empires, les fédérations, les royaumes, etc., etc. Mais pour l'instant, alors il y aura Dune au cinéma, pas à la télévision. Il y aura Denis donc, Villeneuve en deux épisodes d'ailleurs. Voilà. Il vient de le déclarer. Il y aura donc, on a dit, Fondation des Imoffs. Comment oui. Plutôt réussi. Oui, mini-série, oui, tout à fait. Plutôt réussi. Ouais. Pas le film de Lynch, mais bon, la mini-série, oui, c'est sûr. C'est autre chose. On a fait une émission consacrée à Dune, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter. On en a parlé pendant une heure, donc on ne va pas le faire en deux minutes. Allez-y. Okay. Donc oui, il cherche à reproduire HBO, c'est évident, avec Westworld, même si ce n'est pas du space opéra. Et il tâtonne encore, mais... peut-être, il faut espérer. Alors, Asimov, Game of Thrones, j'ai du mal un peu à voir l'analogie quand même. Mais en tout cas, clairement, c'est le modèle économique qui est en train de les diriger. Ah oui, absolument. Alain Carazé. Sauf que, malheureusement, autant on peut se passionner par des histoires de familles qui luttent pour la conquête d'un trône, que ça soit Les Rois Maudits ou que ça soit Game of Thrones. Ou Dune. Et Dune, parce que c'est... grosso modo, c'est la même structure narrative, même si dans un cas, les dragons, et dans l'autre cas, c'est les rois de l'ancienne France. Ou des vaisseaux spatiaux. Mais justement, quand il dit de vaisseaux spatiaux, quand il dit d'autres planètes, là, vous êtes, pour reprendre un terme que je disais tout à l'heure, encore plus segmentant. Là, vous excluez encore plus de gens. Le côté la fantaisie a été très segmentante pendant très longtemps, Alain Carazé. Ouais, hein, souvenons-nous, ou oublions plutôt Xena la guerrière ou des tentatives un peu douloureuses. Non, c'était pas douloureux. Xena la guerrière, ça a duré des années, c'était sur TF1 et il y a quand même un fan club énorme et quelque part... Dimanche après-midi. Mais pour les mauvaises raisons, ça ne soit pas. Quand même. Que ça ne soit pas. J'ai adoré cette série qui, en effet, était une série décalée, kitsch, qui n'avait... Mais simplement, elle n'avait aucune prétention. Elle n'avait aucune prétention d'être intelligente, elle avait l'impression de faire passer des émotions. C'était quand même une série dans laquelle il y avait deux personnages féminins. On parlait d'homosexualité dans Star Trek tout à l'heure, là on est plein dedans avec Xena la guerrière, et c'était plus ou moins revendiqué. Donc voilà. Mais ce que je veux dire par là. Si on m'avait dit un jour qu'on ferait la réhabilitation de Xena la guerrière à ce micro, je ne vous aurais pas cru, même en fin de soirée. C'était voulu par les gens qui étaient aux commandes du truc. Hein. C'était beaucoup plus subversif qu'on ne le pense. Sourd, encore une fois, eu des allusions très grand public. Trêve de Xena la guerrière. Trêve de Xena la guerrière, en effet. Sur le lien Game of Thrones, sur la science, le Game of Thrones de la science-fiction. C'est beaucoup plus difficile parce que vous avez un public qui, de toute façon, n'acceptera jamais le fait qu'on puisse se passionner pour des voyages sur d'autres planètes dans des vaisseaux spatiaux. Ça a été le grand problème avec les Français dans les années 60-70, dans lesquels ils trouvaient le space opéra, la science-fiction, mais surtout le space opéra, ce genre particulier de science-fiction, le space opéra, complètement aberrant, ridicule, grotesque, à tel point que c'était une aberration, bon sens, pour la télévision française, et qu'on n'a pas vu Star Trek, qu'on n'a pas vu Lost in Space, comme je disais tout à l'heure. Mais autant, c'est vrai que c'est très segmentant. La plupart des chaînes américaines comme Sci-Fi, ils vont à petits pas dans le space opéra, tout simplement parce qu'ils savent très bien qu'ils auront beaucoup plus de public et qu'ils fédéreront beaucoup plus de gens en faisant une série imaginaire ou fantastique ou de science-fiction qui se passe sur Terre et qui est relativement contemporaine à la Envahisseur ou à la toutes les dystopies, futurs proches, plutôt que d'envoyer des gens dans d'autres galaxies, dans des vaisseaux spatiaux avec des costumes bizarres. Ouais. Je simplifie un peu, mais malheureusement, c'est une réalité. Alors avec les générations, ça a tendance un petit peu à s'estomper parce qu'il y a du Star Wars et des choses comme ça. Certes, mais là encore, Star Wars, c'est presque un épiphénomène, quoi. C'est pas si simple que ça. C'est un univers à part, en tout cas. Bah, c'est aussi pour ça qu'on reconvoque Star Trek régulièrement. Par ailleurs, il y a une série Star Wars qui devrait arriver, hein, qui a donc Disney annoncé pour 2019. Oui, alors, Mais même Star Trek. Ouais, moi, Disney me fait peur, hein, sur Star Wars. Là, Disney fait peur à tout le monde, Hélène, vous rassurez-vous. On s'est toujours très inquiète de Disney. Non, peut-être un mot, il nous reste une dizaine de minutes. Il y a une autre tentative que j'aimerais que vous commentiez, qui est intéressante, parce que Alain Carazé parlait, j'évoquais le point Godwin de la science-fiction, certainement la meilleure série de science-fiction de l'histoire des séries de science-fiction, le remake de Battlestar Galactica au début des années 2000, d'ailleurs qui devrait pas prochainement être réadapté en film, c'est une autre histoire. Voilà, c'était le coup gagnant de la chaîne Sci-Fi qui a tenté un peu de reprendre la même formule, donc l'effet Game of Thrones, et de remettre ça sur une autre série. Écoutez. Autrefois, Cérès était entièrement recouverte de glace. Suffisamment d'eau pour 1000 générations. Jusqu'au jour où la Terre et Mars se la sont appropriées. La station est devenue le port le plus important de la ceinture. Mais les richesses et les ressources considérables qui transitent par nos portes ne nous ont jamais été destinées. Nous, les ceinturiens, on travaille sur les docks, on charge et décharge les précieuses cargaisons. C'est nous qui entretenons les canalisations et les filtres qui permettent à ce caillou de continuer à vivre et à respirer. Nous, les ceinturiens, on trime et on souffre sans espoir et sans fin. Et pourquoi ? Un jour, Mars arrachera Cérès au contrôle de la Terre, qui lui déclarera la guerre pour la reprendre. Mais pour nous, ce sera du pareil au même. Peu importe qui contrôle Cérès ou notre autre chez nous, comme il l'appelle, on restera toujours des esclaves. C'est tout ce qu'on est pour les Terriens et pour les Rouges. Ils ont construit leur système solaire sur notre dos. Ils ont versé le sang d'un million de nos frères. Mais à leurs yeux, on n'est même plus des humains. Alors la prochaine fois que vous vous regarderez dans la glace, prononcez ce mot. Esclaves. À chaque fois qu'on exige d'eux qu'ils nous écoutent, ils prennent notre eau en otage. Oh quoi, Beltalonda ? Nous rationnons, allez-nous, Beltalonda, jusqu'à ce qu'on rentre tous dans le terrier, immobo Beltalonda, pour faire ce qu'il nous ordonne de faire. Voilà, extrait de The Expanse, dont la saison 3 est en cours de diffusion, adapté des romans de James Corey. Là, pour le coup, que faut-il en penser ? Parce qu'il y a vraiment la tentation de reproduire la formule de Battlestar Galactica, à savoir une série politique, un peu noire, très adulte, très complexe, parfois même peut-être un peu trop intellectuelle. Qu'en pensez-vous, Mehdi Achouche ? Oui, bah, c'est Sci-Fi qui s'est perdu après Battlestar Galactica, qui a cru qu'il valait mieux faire des films de requins pendant des années et qui se rendent compte depuis... Référence à Sharknado. Par exemple, parmi beaucoup d'autres. Une franchise dont on a déjà fait Xena la guerrière, on ne va pas commenter Sharknado maintenant. C'est dommage parce que je suis un grand fan, mais bon, il faut reconnaître que ce n'est pas du tout... Non, je parle des requins. The Expanse. Donc, ils se sont rendus compte avec le succès de Game of Thrones et d'autres séries qu'ils s'appellent quand même Sci-Fi, ils ont vocation à montrer des séries de science-fiction et autres, et que ce n'était pas vraiment le cas, et donc ils cherchent à finalement refaire ce qu'ils avaient fait avec Battlestar Galactica il y a maintenant 15 ans. Or, à mon avis, avec The Expanse, avec Ascension aussi, il n'y a pas très Ascension, longtemps. Ouais. Ascension. Eh ben, ils n'y arrivent pas, à mon avis. Hein. Effectivement, c'est vraiment le credo, ça ressemble beaucoup. Mais d'un point de vue esthétique, d'un point de vue narratif, d'un point de vue thématique, même s'il y a la politique, on l'a entendu dans l'extrait, Mars, la Terre, l'exploitation des travailleurs, etc. Donc il y a des choses extrêmement intéressantes. C'est les prémices qui sont intéressantes, mais à mon avis, le traitement, à nouveau, l'est un peu moins. Oui, et là encore, il y a peut-être aussi à vouloir embrasser trop de genres, c'est-à-dire le space opéra, le polar, la critique sociale. Par moments, on est presque dans l'horreur et le fantastique. Alors, pourquoi pas, hein, ouais. Pourquoi pas, sauf que rien de tout ça n'est très abouti. Ceci dit, c'est quand même une jolie tentative, mais puisqu'il faut toujours faire référence à Battlestar Galactica, c'est moins bien, oui, c'est pas... Qui trop embrasse mal étreint, mais en même temps, Battlestar Galactica, c'est exactement ce pourquoi aussi, on pensait qu'on a trouvé que cette série était un chef-d'œuvre, parce que c'était beaucoup plus que de la science-fiction. Toujours. C'était du space opéra sans le mot opéra dedans. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que les créateurs l'ont voulu. C'est Ronald D'Amour. On enlève le mot opéra de space opéra et on fait une série qui se passe dans l'espace, mais qui aurait très bien pu se passer sur Terre, entre différents pays, entre migrants qui vont d'une planète, d'un endroit à un autre. Et c'est, mais avec l'attrait du space opéra, des vaisseaux spatiaux, du clinquant des vaisseaux de la science-fiction, etc., du côté un petit peu attirant de ça. Et ça a super bien marché. Parce que ça finit par attirer un public qui n'était pas le public habituel du space opéra et de la science-fiction. C'est quand même arrivé en couverture des magazines Entertainment Weekly, quoi. C'est pas tous les jours. C'est pas rien. C'est une espèce de consécration pour une série qui se voulait une série de geeks, de fans, mais qui finit par être une série très grand public, non, pas réellement, mais en tout cas très prisée, très reconnue comme étant une série majeure, une série intelligente, une série surtout qui repousse les limites, qui fait un peu ce que pour la science-fiction, ce qu'on fait d'autres productions comme Les Sopranos ou des choses comme ça, à savoir on prend une thématique, on prend des sujets déjà archi connus, archi vus, etc., et simplement, ou Urgence dans le cas des séries médicales, et on va au-delà. Mmh. Et on va ailleurs. Et on ne se repose pas sur les thèmes déjà rebattus 100 000 fois. On ne le fait pas de la même façon. On parle d'autre chose. On a un peu la même structure, mais quelque part, on ne tombe pas dans les mêmes pièges. C'est pas les vouches des vaisseaux spatiaux, etc., etc. Ben, il n'y a pas de rayon laser. On a beaucoup dit que Battlestar Galactica aussi révolutionnait la façon de filmer l'espace, de filmer les combats spatiaux. C'est filmé comme à la guerre. Enfin, c'est média chouchou. Comme un documentaire. Comme un documentaire. Oui, exactement. Moore, il avait travaillé sur Star Trek Voyager. Il avait été très frustré, et donc il l'a écrit noir sur blanc. Je veux faire l'inverse presque de Star Trek Voyager. Je veux renouveler le genre. Il a appelé ça la science-fiction naturaliste, notamment pour l'esthétique de sa série. Donc, c'est vraiment une série remarquable parce qu'elle cherche à révolutionner, je sais pas, mais à modifier le genre à partir dans une autre direction. Or, The Expanse et d'autres séries, elle cherche à faire la même chose finalement que Galactica, qu'elle-même être créative, quoi. Oui, Anne Ligon. J'approuvais, j'opinais. D'accord. Bon, allez, un mot, on arrive à la fin de cette émission. S'il y avait dans ces nouvelles séries, l'une d'entre elles que vous aimeriez conseiller, ou est-ce qu'il faut, bon, on aura bien compris qu'il faut absolument voir Battlestar Galactica, ça se trouve en DVD et Blu-ray, bien entendu. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a plus vos faveurs, Mehdi Achouch? Bah là, c'est un peu compliqué parce que moi, j'aimais beaucoup, beaucoup Galactica et Caprica de spin-off, qui étaient vraiment bien. Mais j'ai un peu l'impression que mieux elles sont et plus vite elles sont annulées, quand même, ces séries. Caprica, c'était vraiment pour le coup transhumaniste, etc. Il y avait beaucoup de choses à voir et à faire et à dire là-dessus. Donc aujourd'hui, moi, je suis un petit peu frustré. Je regarde Black Mirror, quoi, en gros, ou bien Westworld. Mais au niveau space opéra, c'est. Alors, j'ai commencé Lost in Space. C'était sympa pour l'instant. mais j'ai pas l'impression non plus que ça va être le nouveau Galactica. Westworld, dont la saison 2 est en cours de diffusion. Alain Carazé. Faut regarder Doctor Who, même si c'est pas de la science-fiction pure et dure, c'est dans pas mal d'épisodes quand même, des voyages sur d'autres planètes avec des vaisseaux spatiaux, dans d'autres civilisations, dans d'autres galaxies, quelque part, on est quand même, suivant les épisodes, en plein dedans. Doctor Who est pour moi une des bases avec Star Trek de la science-fiction télévisée, quoi. Et puis le prochain docteur va enfin être une femme. Exactement. Anne Ligon. Moi je vais insister sur Mission pour défendre un peu la création française. Et puis, longue vie à Star Trek. Hein. Et évidemment, moi je suis une grande fan de Westworld, mais là on n'est plus dans le space opéra. On est néanmoins dans la science-fiction et une série plutôt de bonne facture sur laquelle on aura l'occasion de revenir. Et on vous promet que très bientôt on fera une émission complète sur Battlestar Galactica pour vous donner encore plus l'envie d'aller voir cette série que vous ne l'avez. Pardon, et sur Dina, non. Mais ça, ce sera pas autour de ce micro, ce sera hors antenne. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Anne-Élie. Néligon. Merci Mehdi Achouche. Merci Alain Carazé. Je rappelle que vous êtes co-auteur avec Roman Gita de Series Academy aux éditions Fantasque. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Sarah Higemont, Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Dominique Guette, Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est le magazine de la rédaction Mai 68, l'éphémère printemps de Prague par Nadine Epstein. Tout à l'heure à 18h20, le grain à moudre en direct de la maison de la radio et du Bel Air, comme tous les vendredis, le club du grain. Hervé Gardette se demandera si l'époque est-elle vraiment plus radicale. Et pour ce qui nous concerne, la semaine prochaine, lundi, nous parlerons des médecines alternatives et de l'effet placebo. Mardi, de l'écosystème des campagnes. Mercredi, de la protection des données personnelles. Jeudi, de la domestication du feu. Et ce sera un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. Un dernier mot pour vous dire que demain, dans la conversation scientifique à la même heure, à 16h, Étienne Klein recevra Roger Paul-Droit. Et si Platon revenait, c'est le thème de leur conversation. Nous, on se retrouve lundi à 16h, jusqu'à preuve du contraire.